الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب، la dernière fois on avait pris le hadith du descriptif de Rodo du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En cela, on a pris le hadith sur niyat, les intentions dans les actes. Il y a un petit détail que l'auteur n'a pas cité, qui serait bien le citer, important, vis-à-vis de tahara, la purification, avant de rentrer dans un des hadiths qu'on va prendre aujourd'hui, si on a le temps, parce que je voulais en prendre trois. Mais il y a une petite remarque à faire d'abord. Attendez. Les ablutions, on a pris le wudu, le hadith de wudu, et on n'avait pas parlé de ce wudu avec quoi on le fait. Avec quoi on le fait? De l'eau pure. C'est quoi de l'eau pure? T'as déjà fait un cours sur ça? L'eau de la mer, je me rappelle. L'eau de la mer, c'est pure. La rivière. L'eau pure, on n'est pas. De l'eau purifiante. Ça, on appelle ça tahour. Ma tahour. Wa qala ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. La pluie, entre autres. Et il y a une différence entre tahir et tahour. Tahir, c'est quelque chose qui est pur. C'est-à-dire que ce n'est pas une najasa, ce n'est pas une impureté. Maintenant, comme l'a précisé le terme plus précis, c'était par Abdoulaye, c'est purifiante. Tahour. Parce que quelque chose peut être pur, mais ne purifie pas autre. Mathalan. Ça, là. C'est une impureté? L'oasis, là. C'est pur? Tu veux faire des ablutions avec? Non. Non. Bon, allez, comme ça. C'est pas tahour. C'est tahir, mais c'est pas tahour. D'accord? Ce n'est plus de l'eau. C'est du jus. Mais c'est pur. On peut en consommer. Mais on ne peut pas se purifier avec. Et de l'eau qui, de base, est tahour, devient de najasa, lorsqu'elle est mélangée à une najasa qui change sa nature dans sa saveur, c'est-à-dire son goût, sa couleur, son odeur. D'accord ? Si une najasa tombe dans de l'eau, à en altérer son odeur, sa couleur ou son goût, alors cette eau devient elle-même najasa. Même si en apparence elle est claire et limpide, ça ne veut pas dire qu'elle est pure. Par contre, maintenant, si une chose pure se mélange à elle et change également ses trois aspects, alors elle devient pure et non purifiante. Par exemple, de l'eau pure, tu mets dedans du sirop de grenadine. Elle devient rouge et sucrée. Elle est pure, mais elle n'est plus purifiante. Ce n'est plus de l'eau en soi, maintenant c'est du sirop. Tu mets du café. C'est avec de l'eau que tu fais le café. Une fois que tu as mis le café, tu as fait tout. L'eau, c'est plus de l'eau, c'est du café. C'est pur, mais ce n'est plus purifiant. Elle est sortie de sa substance purifiante. Elle est pure, propre à la consommation. C'est du café, on boit du café, du thé, du jus, toutes ces choses-là. C'est pur, mais ce n'est pas tahour. Ce n'est pas purifiant. Tu ne peux pas te purifier avec. À fond ? Pareil. Donc ça, c'est un point important pour l'eau. Et des fois, tu as de l'eau qui se mélange à une chose qui est elle-même purifiante et reste purifiante, comme par exemple avec de la terre. De l'eau qui se mélange à de la terre, elle est plus limpide. Elle devient un peu couleur terre. Et pourtant, tu peux faire tes ablutions avec. Parce que la terre, c'est également tahour. La terre, c'est purifiant également, comme on va le prendre, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Donc, on avait pris les deux hadiths la dernière fois. Anna Allah la yakbal salat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Que Allah n'accepte pas la salat de l'entre vous si jamais il fait un hadith jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. C'est quoi les sept annulatifs des ablutions qu'on a pris la dernière fois? Alors, c'est tout ce qui sort par les orifices. Les orifices. Quels orifices? Le nez, les oreilles? Devant et derrière. Le nez, c'est devant. Ce qui sort du nez, ça annule les ablutions? Non, c'est les parties. Voilà, précise. Tu dis des orifices comme ça dans l'absolu. Les orifices dans le corps, on en a plusieurs. Les parties internes, voilà. De l'homme et de la femme. Naam. Le sommeil profond. La viande de chameau. La viande de chameau, sur la vie authentique. Il y a un khilaf sur la viande de chameau, mais le hadith en lui-même, il explicite. Naam. Il y en a 4. Il y en a 3. Si on touche notre sexe, non. Toucher les parties génitales directement. Sans condition, que ce soit involontairement, volontairement, par plaisir, sans plaisir. Dès que tu touches ta partie génitale, ça annule les ablutions. Et certains, l'avis de certains savants, même toucher les parties, l'anus également, ça en dedans, et toucher autrui. Ah, de l'autre. Autrui. Il y a des relâmes qui disent que même toucher autrui, les parties d'autrui, ça annule les ablutions. Non. Quand il y a un état d'attrait. Bah, c'est ça. Perte de connaissance, perte de raison, quoi, non. Il en reste deux. Janaba et l'apostasie. Arsante. Ensuite, on a pris le hadith de Othman qui a décrit l'ozo de façon générale du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, elle a un hadith. الرابع والعشرين 24 حديث كيلو 4 من هذا الفصل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيزبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم. Selon Omar ibn Khattab رضي الله عنه, il a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit qu'il n'y a pas une personne qui accomplit correctement, parfaitement ses ablutions du début à la fin. Puis à la fin il dit أشهد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ sans que ne lui soient ouvertes les 8 portes du Jannah, il rentre par celles qu'il souhaite. Apporté par Muslim. En même temps, ça me rappelle une petite précision. J'ai oublié de dire par rapport à le début également, l'ozo, c'est recommandé de faire la basmala. De dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand tu commences l'ablution. D'accord, c'est sunna de le faire. Si tu le fais pas, ça n'a pas d'impact sur tes ablutions. Il y a un hadith qui est venu, mais il est faible. Mais sinon, c'est sunna de le faire, de le dire. Tout comme il est une sunna mu'akkada recommandée de faire ce zikr après l'ozo. Mais il y a un grand mérite derrière. C'est un acte très simple. Très simple à faire. D'accord, qui demande peu d'efforts et qui peut apporter une très grande récompense. Bon, le hadith en lui-même, il est, alhamdoulilah, il est assez clair. Et on y voit que le Jannah a 8 portes. Et dans la Sunna, ces portes ont été désignées. Il y a la porte de la Salat. Il y a les gens qui accomplissent la Salat entreront au Jannah par la porte des gens de la Salat. Il y a la porte du Jihad. Il y a la porte du Siyam. Et le Siyam, il s'appelle Rayan. Vous voyez, Rayan, c'est le nom de la porte du paradis des gens du Siyam. Il y a la porte de la Sadaqa. Tout ça, c'est pour les gens qui ça donnait beaucoup à cette adoration-là. Ceux qui étaient très généreux, qui faisaient beaucoup de Sadaqa, ils auront le mérite de rentrer la porte des Sadaqa. Ceux qui faisaient beaucoup de Siyam auront le mérite de rentrer par la porte de Siyam, et ainsi de suite. Il y a Bab al-Ayman, comme dans le hadith al-Shafa'a. Et il y a le Bab, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Abu Huraira, Allah adulluka à la Bab min abwab al-Jannah, à la Bab min abwab al-Jannah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit, ne vais-je pas t'indiquer une porte parmi les portes du paradis, puis il a cité ce zikr qui est la hawla wa la quwwata illa billah, que rien ne peut s'établir comme changement, comme amélioration, si ce n'est par la force d'Allah Azzawajal. Nul n'est capable d'accomplir quoi que ce soit, si ce n'est par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, seuls les musulmans s'en rappellent. Mais les gens, eux, ils s'imaginent que ce qu'ils ont obtenu est le fruit de leur travail. On dit, ce sont des causes que tu as entreprises. Mais qui t'a permis d'entreprendre ces causes? C'est Allah Azzawajal. Tu vois, c'est Allah qui te l'a permis. Car il y a des gens, ces causes-là, ils ont pu les entreprendre, ils n'ont pas pu. Ils ont peut-être pu faire mieux que toi encore. Et Allah, d'accord, d'ailleurs, que non, eux, ils n'ont pas ces causes-là. D'accord ? Donc, quand tu entends des gens te dire, moi, j'ai bâti un empire de mes mains, ainsi de suite, on dit, c'est les mains. Qui t'a donné ces mains pour que tu fasses ton empire ? C'est Allah, c'est pas Dieu. T'as des gens, ils n'ont pas de mains. Donc, tu n'es pas meilleur qu'autrui. C'est juste que Allah t'a donné à toi des capacités pour y arriver. Sans quoi, tu n'as aucun mérite, en réalité. Et ne crois pas que tu es meilleur qu'autrui. Il y a autrui, c'est juste qu'Allah, il n'aura pas qu'adr d'arriver à ce niveau. Mais si Allah avait voulu, peut-être qu'il serait arrivé à un niveau plus haut que toi encore. Donc, ça apporte le sentiment d'humilité, de modestie, de savoir que, en réalité, nous n'avons aucun mérite, si ce n'est le fait d'avoir fourni un effort dans les asbab, et ces asbab, c'est Allah qui nous les a facilités. Donc ce zikr est parmi les asbab qui permettent de rentrer au Jannah parmi les 8 portes. Il y a un sahabi à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il entrera par la porte qu'il veut. Les 8 portes du Jannah, c'est qui ? C'est facile à savoir. Un qui a été nommé en tout cas. Abu Bakr. Abu Bakr, il rentre par la porte qu'il veut. Après, sûrement d'autres, hein, mais lui, il a été nommé. Quoi. D'accord, un hadith spécifique l'a nommé. Yaqul al-Sharh al-Ijmali. Hassa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ummatahu ala itmam al-wudu'i wa tahsinihi. Wa raghiba ala kouli al-shahadatayn. عقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث وأن من جمع بين الأمرين هذا فضلا عظيما وثوابا جزيلا ودخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à parfaire les ablutions, les faire correctement, ne pas les bâcler, ne pas se précipiter, et également le contraire, ne pas être fainéant. Les faire comme il se doit, de façon complète. Et il a incité à prononcer les deux attestations après avoir fait ses ablutions. Pour indiquer justement un rappel de la niya, qui est de rester sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'après qu'on ait purifié nos membres, nos organes, nos membres, on va dire plutôt, de la souillure mineure pour les adorations, également on purifie le cœur de la souillure majeure qui peut être le shirk, ostentation, ce qui s'ensuit, en se rappelant de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et que celui qui aura joint entre les deux, c'est-à-dire qui a purifié ses membres, mais également aura purifié son cœur avant cela, alors lui, il aura le grand mérite de pouvoir entrer au Jannah par les 8 portes. Et sachez que tout hadith qui amène à une promesse de rentrer au Jannah, tous est basé sur le tawhid. Toujours. Même si ce n'est pas cité forcément, le tawhid n'est promis, enfin, le Jannah n'est promis qu'aux gens de tawhid. Toujours. Yaqul fawaid al-hadith. Fadilat al-wudu wa ma yatarattab alayhi min sawab al-jazil. Donc maintenant, ça montre le mérite des ablutions et ce qu'elle occasionne comme récompense. Grande récompense. Thaniyan al-hass ala isbar al-wudu wa itmamihi. Et cela également nous encourage à parfaire les ablutions, à bien les faire, comme il se doit. Thalithan mashru'iyyati qawl hadha dhikr ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عقب الوضوء et qu'il est légiféré de faire ce zikr après les ablutions, les deux shahada. رابعا إثبات وجود الجنة وأبوابها ثمانية وتخيير في الدخول من أبوابها لصاحب العمل الفاضل مما طهر ظاهر باطنه. Ce qui montre que le Jannah existe. Et que le Jannah a 8 portes. Et le Nar, combien il a de portes ? 7. Le Fur en a 7. Et le Jannah en a 8. C'est ce qui nous est cité dans la Sunna et dans le Coran. Le Coran, Allah dit Wala sabatu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Par rapport au Nar. Et que chaque personne qui se sera a donné grandement à un acte d'adoration, aura une porte consacrée à cet acte. Comme le siyam, sadaqa, salat, ce qui s'ensuit. Et donc, plus tu feras d'actes, et plus tu auras de choix de rentrer dans les portes qui te conviennent. Inch'Allah ta'ala. Khamisan, an isbar al-wudu, wa litiyana ba'dahu biyad al-dhikr min asbab dukhul al-jannah. Et que bien parfaire les ablutions, puis citer, évoquer ce dhikr après, est une cause d'entrée au Jannah. Sadisan isbat al-ba'th wal-jaza ba'd al-maut. Et cela affirme également la résurrection et la rétribution après la mort. Bonne ou mauvaise en fonction des œuvres que tu auras accomplies en ce bas monde. Naam, hadha kan al-hadith al-rabi wa al-shirin. Thumma al-hadith al-khamis wal-ashrud. 25e hadith qui est Al-mas al-khufayn, qui est essuyé sur les pantoufles. À base des khuf, vous connaissez, ce sont les. C'est comme des chaussettes en cuir. D'accord ? C'est comme des chaussettes, comme des pantoufles en cuir qui montent au-dessus des chevilles. Et prend le jument de ces khuf, les chaussettes, les chaussures. D'accord ? Et il faut qu'il y ait une certaine épaisseur. Par exemple, les chaussettes trop fines, ça ne rentre pas dedans. Parce qu'ils sont trop fines. Il faut que ce soit une chose vraiment qui prenne ton pied. Parce que dans une version d'un hadith, il a dit Tassahin. Il a dit Nabi Salim Tassahin. Tassahin, c'est une chose qui réchauffe le pied. Donc les chaussettes, d'accord, les chaussures, ce qui s'ensuit, ça rentre dedans. Yakun an Jarir, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه. Donc Jarir, il dit qu'il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam uriner, c'est-à-dire au loin, puis faire ses ablutions, puis essuyer sur ses roufs. Essuyer sur ses roufs, c'est-à-dire qu'il n'a pas lavé ses pieds. Là, il essuyait sur les roufs. On va expliquer le comment. Donc il faut savoir une chose déjà, l'essuyage sur les roufs se fait sur le dessus du pied, pas en dessous, comme pourrait le laisser entendre la raison. On se dirait sur le dessous c'est sale, pas au-dessus. Et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le mas, c'est au-dessus. Akada. Yakul في الشرح الإجمالي يخبر طيب جرير on a déjà cité un peu de sa ترجمة dans un autre hadith dans les دروس précédents. يخبر الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته توضأ هو ولابس خفي. جرير عفوا dit avoir vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avoir accompli ses besoins alors qu'il portait des khoufs. ثم مسح عليهما وكان يعجبهم. حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول المائدة. فاستعمال جرير للمسح على الخفين بعد نزول المائدة يدل على أن المسح غير منسوخ بل هو سنة ويشترط المسح على الخفين سيأتي. Et ce hadith apporté par Jarir. Jarir est un homme qui s'est converti à l'islam après Surat Al-Ma'ida. Surat Al-Ma'ida, c'est celle dans laquelle on a le verset qu'on a cité au début du chapitre qui décrit les ablutions dans le Coran. Et ayou lazina amanou zekoum toun salat taïeb fam sahbi oujouikoum baïdiakoum le ka'abayin aïl al-marafiq al-aya. Donc, comme Jarir s'est converti après ce verset, et qu'il a cité le hadith des khoufs, cela prouve que ce jugement n'est pas abrogé. Car certaines personnes ont dit que ça c'était abrogé par le verset du Coran qui dit qu'il faut essuyer les pieds. Et on dit non, parce que Jarir, il s'est converti après le Ma'ida. Donc il a eu cet acte après le Ma'ida. Donc ça ne peut pas être abrogé. Ça aurait été avant, ça aurait été discutable. Et comme c'est venu après, ce qu'il y a un abrogeant, tu sais comment, par la date. Lequel des actions s'est faite en premier. Et là, celle-ci s'est faite après la révélation du verset qui cite les ablutions. Donc, le verset d'ablution ne peut pas avoir abrogé ce jugement-là. Donc, il est effectif. Et il dit, maintenant, il y a des conditions pour pouvoir essuyer sur les khoufs. Awalan an yakuna hal libsuhuma ala tahara min al-hadath. Donc, en premier lieu, il faut que tu les aies enfilés en étant en état de purification. Ça veut dire que avant de mettre tes roufs, tes chaussettes ou quoi, tu as fait tes ablutions normales. Tu as lavé tes pieds et tout. Donc quand tu les as enfilés, tu étais pur. On va dire plutôt à Fouen, en état de purification. D'accord, prêt à faire la salade. Et tu as enfilé tes chaussettes ou tes roufs ou tes chaussures hautes. Thaniyan, an yakun al-mas fil mudda al-muhaddada shara'a. Salasta ayyam. Et également, il y a un temps décrété permettant l'essuyage sur ses chaussettes. Celui qui est en voyage, il a droit à 3 jours, 3 nuits. Comme cela est dans le hadith de Ali, je crois, et le hadith de Safwan ibn Assal. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait que lorsqu'ils étaient en voyage, d'accord, de ne pas retirer leurs chaussures pendant 3 jours et 3 nuits et d'essuyer par-dessus. Et ça, c'est pour le Hadith al-Asrar, pour la souillure minère. Donc, toutes les choses qui annulent les ablutions, d'accord, hormis la janaba et hormis la ridda, d'accord. Quand tu fais des ablutions, pendant 3 jours et 3 nuits, tu peux passer sur essuyer tout simplement directement sur tes chaussettes ou tes roufs ou tes chaussures. Et le muqim, le résident, il a droit à un jour et une nuit. C'est-à-dire 24 heures. Min ma ta yabda at-tawqit ya khana. C'est un jour et une nuit à partir de quand ? Non. À partir du premier moment où tu essuies dessus, tu comptes un jour. C'est pas à partir du moment où tu les as mises. C'est à partir du premier essuyage que tu as fait dessus, tu comptes un jour. Par exemple, tu as fait tes ablutions avant le Fajr. Tu as enfilé tes chaussettes. D'accord ? Tu as fait ton Fajr. Après, tu as fait ta vie, après, tu as été aux toilettes, tu as fait une sieste ou quoi. Le Dhuhr, il vient. Tu as gardé tes chaussettes avec toi, tu les as pas enlevées. Tu fais tes ablutions, tu passes, tu es sur tes chaussettes, et de là, tu comptes un jour. Ça commence là. D'accord ? Ou 3 jours et 3 nuits, si tu es en voyage. À partir de là. Parce que souvent, les gens pensent que c'est dès que tu les as mises. Là, c'est à partir du premier mas que tu avais dessus. Il se peut même que tu les aies mis au fageur et que jusqu'au Marlem, tu es resté avec les mêmes ablutions. Et au Marlem, tu es essuyé dessus. À partir du Marlem, tu comptes 24 heures. Allez, à partir du premier essuyage que tu as fait, tu comptes 24 heures. Troisième charte, an yakoun el mas fil hadath el ashar. Et que cet essuyage n'est valable que pour la souillure mineure. Par exemple, quelqu'un il en gêne à bas, ou une femme elle s'est monstrue ou s'en suit, non, là faut enlever. Parce qu'il faut la rousse là. Faut que tu te laves entièrement. Tu vas pas te laver avec tes chaussettes. Avec tes pantoufles, tes chaussures. On t'enlève tout. Parce que l'eau, il faut que touche tout le corps. Par contre, tu vois que tu as fait ce lavage, qui lui-même fait office de wudu, là tu peux les mettre. Et tu as droit au même jugement que celui cité au préalable. Rabi'an an yakun al-khuf satiran al-ka'bayn. Et que ce khuf maintenant doit dépasser des chevilles, au-dessus des chevilles. C'est-à-dire les soquettes, ce qui est en-dessous des chevilles, c'est pas valable. Parce que le khuf, c'est toujours au-dessus des chevilles. Shar'an. Donc, on y fait une analogie avec les chaussettes et aussi les chaussures. Donc, ce sont des chaussures montantes. Sauf si ce sont des chaussures que tu as mis sur des chaussettes. Par exemple, là, tu vois, j'ai mes chaussettes. Par dessus, j'ai mes chaussures. J'enfile mes chaussettes, par exemple, en état de purification. Je peux passer sur mes chaussures car elles sont sur mes chaussettes, en fait. Je suis pas obligé de mes chaussures et sur mes chaussettes. Non. Je vais passer dessus directement. Car la protection, elle est là, elle est en dessous. Comprends ? Voilà. Par contre, j'aurais des chaussures seules sans chaussettes ? Non. Pas le droit. Ou j'aurais des chaussures basses, là, comme ça, avec des sockets basses ? Non. C'est pas valable. Faut qu'il y ait forcément quelque chose qui recouvre la cheville. طيب, يقول فوائد الحديث. مشروعية المس على الخفين والصلاة والصلاة فيهما هو جائز سفرا وحضرا لحاجة أو لغيرها qu'il est légiféré d'essuyer sur les khufayn et d'y accomplir la salat tout en étant revêtu de ses khuf ou de ses chaussettes ou de ses chaussures. Cela est permis en voyage ou en tant que résident pour un besoin ou autre. C'est permis. Et c'est même une facilité. Ce sont les pays où il fait froid. C'est une grande facilité de la religion. D'accord ? Surtout pour les gens qui sont en activité continue, ils n'ont pas vraiment l'occasion d'enlever leurs chaussures, ainsi de suite, faire la salat, et encore plus en déplacement quand on est en voyage, c'est une grande facilité pour nous. Tout comme il est sunna de faire salat dans les chaussures. Tant que ça ne porte pas un plus grand mal. Bien sûr, c'est important. Va pas que tes chaussures là au masjid, tu vas te faire insulter par les gens. Grave. Tu vas faire plus de mal que de bien. Le fais pas. Mais là-bas, c'est sunnah de le faire. Avec une condition. Pas d'impureté dessus. Exactement. Vérifier qu'il n'y a rien de comme saleté ou impureté dessus. Tabran. Thalifan. An al-mas ala al-khuffayn yajuzu sawa un kana salihan aw makhluqan li'umum al-hadith. Et que ces khouf, ou chaussettes ou autres, il est permis d'essuyer dessus, même s'ils sont troués. D'accord ? Même s'il y a des trous dedans, là, ici, là, par-ci, par-là, t'as le droit. Car Cheikh Islam, il a dit qu'il est certain que les Sahaba, ils avaient des vêtements qui étaient déchirés. Avec tout ce qu'ils faisaient comme activité, et le plus moyen qu'ils avaient. D'accord ? Et des fois, c'était même, ils avaient comme des bandes qui mettaient autour de leurs pieds. C'est le tassahil qu'il faut faire de chaussettes. Et marcher avec. Sans sandales ni rien, ça se déchirait. Et pourtant, ils le mettent dessus. Maintenant, faut pas que ce soit déchiqueté. D'accord ? Il faut qu'il y ait plus de matière qu'elle soit absente. C'est sûr et certain. Mais si t'as un trou là, t'as un trou là, t'as un trou là, il y a de loin. D'accord ? Ça n'empêche pas de faire de la chose. Khamisan, an al khalij min al-sabilayn, kal bawl, naqid al-wudu. Et cela montre également que ce qui sort des orifices, c'est-à-dire la partie génitale, ou même l'anus, comme on l'a dit au début, postérieur, ça annule les ablutions, car dans le hadith, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a uriné, puis a fait les ablutions. Donc, c'est parmi les nombreuses preuves qui montrent que le fait d'uriner, ça annule les ablutions. Et d'autres qu'on dit là comme jument, c'est pour hommes et femmes. Parce qu'à la base, c'est l'ishtira qui fait le harkem. La base entre l'homme et la femme, c'est que c'est les mêmes juments. Donc on n'a pas une chose qui différencie entre les deux. Donc tout ce qu'on a dit là, c'est valable pour la femme également. Taïb. Wa nukmil bi hadha al-hadith al-sadis wa 20. 26e hadith qui est Sifat al-tayammum. Comment faire le tayammum? Ce qu'on appelle ablution sèche, sans eau. Yaqul an Ammar ibn Yasir qala ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hajah fa ajnabtu fa lam ajid al-ma fa tamarakhtu fi as-sa'id kama tamarrahu ad-dhabba thumma ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa dhakartu dhalika lahu fa qala innama kana yakfika an taqul بيديك أكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال نعم الشمال على اليمين ظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. Donc Ammar ibn Yasir, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour un besoin, sûrement une délégation ou un bataillon ou... et qu'il a été en état d'impureté majeure. Il a dit Ajnepto. D'accord ? Sûrement qu'il a dû faire un rêve ou quelque chose. Et qu'il n'y avait pas d'eau pour faire les ablutions. Donc il a dit, je me suis roulé par terre comme le fait un animal. Puis, je me suis rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et je lui citais cela. De quelle façon j'ai fait mes ablutions sèches? C'est-à-dire qu'il connaissait le jument de base, mais il ne savait pas comment on faisait en fait. Donc Dieu lui-même, il a fait comme il pensait faire. D'accord. Il a dit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te suffisait de faire comme ça. Et avec ses deux mains, il a frappé le sol. Enfin, vous voyez. Ensuite, il a essuyé sa main gauche sur sa main droite. Comme ça. Puis son visage, une fois. Tout cela, une seule fois. Vous voyez, dans le bas, tu essuies la main gauche sur la main droite, c'est-à-dire la paume sur le dos de la main, tu essuies, puis le visage, avec les deux mains. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc le rapporteur, c'est Ammar ibn Yasir, ibn Amir, ibn Malik, Abu Yaqzan Al-Ansi Al-Makki. Et il est parmi les premiers à s'être converti à l'islam. Et il était parmi les gens qui ont participé à Fouen à Badr. Et sa mère, c'est Soumeïa. Et Ibn Mas'ud, il a dit que les premiers à avoir fait apparaître leur islam sont sept. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est à Mecca, tout début. Abu Bakr et Ammar. Puis, également, sa mère, Soumeïa. Et Souhaïb, et Bilal, ou Al-Miqdad. Il a dit, le messager d'Allah, lui, il était protégé par son oncle Abu Talib. Donc personne ne pouvait le toucher. Abu Bakr était protégé par son peuple, car il avait un trou auprès de son peuple. Quant aux autres, ils ont été torturés pour délaisser leur religion. D'accord ? Et faire prononcer des paroles de kufr. Et c'est une chose qui leur a été permise, car ils étaient en situation de contrainte. Ils ont dit tous. On fait entendre au Mouchidekoul ce qu'ils veulent entendre, à part un, Bilal. C'est le seul qui n'a pas capitulé. Il était permis à ce moment-là, mais il n'a pas capitulé. Ils leur mettaient sur eux des armures de fer en métal, ils étaient allés sous le soleil. Soleil de Mecca. Qui a déjà été à Mecca? Personne? T'as été à Mecca, et toi aussi. Mais quand t'as été, il faisait quel temps? Il faisait pas chaud. Non, mais après, on sera mieux. Voilà, retourne-y en été. Vor. D'accord? Vas-y, va au soleil de Mecca. D'accord? Vor. Et tu verras. Et ben, dis-toi que ces gens-là ont été pris, ont été revêtus de vêtements de fer. Tu sais que le fer, c'est conducteur de la chaleur. Puis, est allé au soleil. Tu vois? Et Bilal a été mis sous un rocher. Et malgré tout, il disait Ahad, Ahad. Ahad, Ahad. Et regardez comme on rappelle souvent, après ces gens-là, est-ce qu'ils ont dit, ouais, pourquoi vous le faites ça? En plus, on est comme vous, on est des Quraishites, on est d'ici, on est natifs de Quraish, on est là. Non. Ils ont été éprouvés, ils ont souffert. D'accord? Et pourquoi? Fillah Azawajal. Regardez l'épreuve qu'ils ont eue. Là, c'était une épreuve physique. C'était physique. Sans compter les autres preuves également. D'ailleurs, qu'il y a eu, ils ont été boycottés, ils ont été. Est-ce qu'ils en suivent? Mais là, c'est parce qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont pleins? Est-ce qu'ils ont protesté? Ils ont subi, ils ont patienté. Aujourd'hui, on nous fait. Je sais même pas si ça existe sur une échelle, ce qu'on subit. Un deuxième. 1% de ça. Hein? Et on se plaint, on pleurniche. Comme je disais l'autre jour, islamophobie, islamophobie. Tu vois. Et aujourd'hui, on ne te torture pas. Hein. Ils viennent te frapper ici, les koufars. Ils te frappent. Les koufars, ils te frappent pour l'islam. Oui, bon, certains, ils ont été agressés, mais c'est vraiment un truc. C'était fait de façon, on va dire, illégale, même par rapport aux lois. Ceux qui ont fait ça, si on les attrape, sont censés avoir une peine. Là, c'est. Quraishites, ils ne sont pas cachés. Donc c'est comme si demain, Macron, il vient t'attraper et il te torture. Tu peux rien lui dire. Tu vois ce que ça veut dire? C'est pas ça qui se passe en France. En France, c'est des individus comme ça qui font ça d'eux-mêmes, mais en réalité, ils n'ont pas le droit de le faire. T'es censé avoir des droits. T'es censé. Donc, il y a quelques agressions qui se passent. Ça arrive. Mais t'as des gens qui sont pas musulmans, ils sont agressés plus que les musulmans, hein, de toute façon. Donc, c'est pas vraiment. Voilà quoi. Quoi qu'il en soit, est-ce que le pays en lui-même, les autorités du pays, viennent et te torturent? Ils t'empêchent de faire salat? Il t'empêche de faire ton hajj. Il t'empêche de payer ta zakat. Il t'empêche de dire la ilaha illallah. Ils peuvent avoir peur quand tu dis à la wakba. Mais ils ne l'empêchent pas. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils te font en fait? Ils te font quoi en fait ici? Concrètement. Ah, donne-moi un exemple. Hein? Comment ils te persécutent? L'argent. T'es discriminé? Ouais, discriminé. Voilà, discriminé. C'est toi, bah non, tu seras pas avocate avec ton voile. Par exemple. Toi, tu ne seras pas juge avec la barbe. Toi, tu feras pas la salade pendant les cours. Toi, ceci, toi, cela. Juste, on te dit, tu feras pas ça. Mais si tu le fais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas en prison? Non, rien. T'as rien du tout. Juste, bah, on t'expulse, quoi. On t'est renvoyé. C'est tout. Est-ce que c'est comparable par rapport à ce que ces gens-là ils ont vécu? Et pourtant, qu'est-ce qu'on pleure? Qu'est-ce qu'on est des victimes? Qu'est-ce qu'on souffre? C'est horrible. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'injustice. C'est injuste. Mais par rapport au premier, ce qu'on subit, c'est vraiment. C'est du jeu, quoi. Tu vois? C'est du jeu. Ça, je dis qu'à chaque fois qu'il faut qu'on se rappelle qui étaient ces gens-là, que Allah, dans son livre, il a vanté, qui étaient auprès du Nabi, sallam, et qu'est-ce qu'ils ont subi, qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport à nous. Et aujourd'hui, nous, on se plaint. On se plaint tout le temps. D'accord? Et ces gens-là, ils ont fait quoi après quand ils étaient à bout? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une association pour la défense des droits des musulmans, à Mecca. Hein? Ils ont fait un organisme pour défendre les droits des musulmans de Mecca. Ils ont fait quoi? Ils sont partis. C'est aussi simple que ça. Ils sont partis. Ils ont dit, ici, on ne peut pas. On n'a pas la force. Pourtant, on est chez nous. Hein. Puisque la plupart d'entre nous ici, on est tous d'origine étrangère. Toi, t'es algérien, on va dire, ouais, je suis né en France, ouais, mais tes parents sont pas nés en France. Toi, t'es sénégalais, tes parents sont pas nés, ils sont pas nés en France. Toi, t'es malien, tes parents viennent du Mali. Toi, t'es tunisien, ils viennent de Tunisie. Toi, t'es ainsi de suite. Donc, tes origines ne sont même pas du pays. Eux, ce sont des purs arabes, des purs mécois. C'est leur terre natale, ancestrale, du père, du grand-père. De la... Ils ont tous leur lignée, hein. Des arabes de Mecca. Nous, non. Même moi, je suis français, je suis martiniquais, hein. Mes origines, elles sont là-bas. On a fait une escale par les Caraïbes. Mes origines, elles sont pas françaises. Je suis français, mais mes origines, elles sont pas françaises. Tu vois ce que ça veut dire? Et même pour eux, un peu français, moi, je suis une contrefaçon, j'ai pas un vrai français. Français sur les papiers. Mais mon apparence, mon aspect, c'est pas celui d'un français. Alors quand tu vois mon nom, sur les papiers, je vais pas le dire ici, j'ai pas peur qu'ils sachent mon nom, c'est un nom français. Quand j'arrive, tu vois, il y a... Ils s'attendent pas à ça. Tu vois ce que ça veut dire? Déjà, de base, ils s'attendent pas à voir un noir, et encore moins un barbu en camis. Tu vois? Mais monsieur a écrit, oui, il a écrit, c'est moi. Ah, d'accord. Des fois, vous-même, t'as même envie de dire aux gens, attention, je vais venir, je suis comme ça, n'ayez pas peur quand vous allez me voir. Parce qu'ils s'y attendent pas, tu vois. Petite parenthèse. Donc, pour dire, regardez, nous, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu, et comment nous, on réagit. Et après, on dit, on veut la victoire. Tu vois? Il n'y aura pas de victoire. Déjà, les victoires, c'est pour les gens forts. Pour ceux qui patientent. Dans le Coran, il a dit, ayyuhal ladhina amanu, sbiru wa sabiru rabitu wa taqullaha la'alakum tuflihun. Oh, vous qui avez cru, patientez, armez-vous de patience et craignez Allah afin que vous réussissiez. Patientez, maintenez-vous, craignez Allah afin que vous réussissiez. Aujourd'hui, on ne patiente pas, on ne se maintient pas, on désobéit à Allah Zawajel et après on veut être secouru. On n'a rien compris. On dit va à droite, on va à gauche. On dit lève-toi, nous on s'assoit. On dit tais-toi, nous on parle. Tu vois. Et quand on dit aux gens de faire des causes, non, mais on fait rien, faut se bouger, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, faut faire ce que Allah veut qu'on fasse. Parce que nous, on s'imagine. Tu vois. Donc aller crier, aller faire des organismes, ça ne sert à rien, ça. Ça va t'aider d'une façon partielle sur un point, mais on va aider à faire plus de mal qu'autre chose. Et les solutions concrètes, Shad'iya, les gens, ils en rigolent aujourd'hui. Quand tu leur dis de la solution, ouais, mais vas-y, toi aussi, arrête. Tu vois. Et c'est une forme de diffamation de la religion. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'en réalité, je le répète souvent, les vrais islamophobes, c'est les musulmans eux-mêmes aujourd'hui. Tu vois, les gens ils sont là, ouais, islamophobiques. Le jour où tu te dis, ben, l'islam, s'il faut faire ça, ça, ça. Non, mais non. C'est toi qui es islamophobe, en fait. Là. Parce que l'islam te dit de faire, tu veux pas le faire, t'aimes pas. Quand on te dit faire la hijra, non, bah, t'es islamophobe, alors, en réalité. Selon ton raisonnement, c'est ça que l'islam te dit de faire, tu veux pas le faire, t'aimes pas, c'est toi l'islamophobe. Quand on te donne un jugement shad'i, tu veux pas le faire, tu ne l'aimes pas, c'est toi l'islamophobe. Le kafir, lui, il dit, moi, je suis pas musulman de base. C'est pas, ça me concerne pas. Mais toi, en tant que musulman, tu veux pas obéir. Quand on te dit un jugement shad'i avec le dalil, tu veux pas l'accepter, tu rigoles même de, ils se moquent de toi, ou ils font des blagues, des sous-entendus, tu dis que l'islamophobe maintenant, là, selon ton raisonnement, c'est toi. Et à l'époque du Nabi Sallam, tu aurais été considéré comme un munafiq. Il y a un homme, le Nabi Sallam l'a juste dit, mange avec ta main droite. Il dit, je peux pas. Il a dit, mastatart. Il a plus. Juste, je ne peux pas. Imagine-toi, nous, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? Fais ça. Moi, je n'ai pas envie. Fais ça. Bah, non, mais vas-y, toi aussi. Imagine. Ah, mais vas-y, il n'y a pas que ça. Et pourtant, l'islam est simple. Hein. Allah Azzawajal, dans le Coran, nous a tout dit ce qu'il fallait faire. On a l'avis du Nabi, des Sahaba. On n'a rien inventé à faire de plus. Et pourtant, quand tu proposes aux gens des solutions, les savants ils parlent, ils se font descendre par les gens. Vous êtes des traîtres, vous êtes des malades, des employés des sionistes, vous êtes des ci, des cela. Non. Vous donnez une solution concrète. Et si on l'applique en masse, il n'y aura rien de solution. Mais comme vous avez un manque de croyance en votre religion, au texte religieux, et vous préférez voir ce qu'il y a devant vos yeux, et bien ce qui arrive, ben, c'est la défaite et on tourne en rond. Voire pire, on va en arrière. N'importe où en haut, on va en arrière. Et regardez par exemple la mère de Ammar, Soumeya, elle a été tuée. C'est la première shahide dans l'islam. Première martyre. Elle a été tuée. D'accord? Je crois que c'est Abu Jahl. Hein, c'est Abu Jahl ou Abu Lahab? Je crois que c'est Abu Jahl. Il lui a planté une lance dans son vagin. T'imagines? Aujourd'hui, on fait juste un petit truc à une sœur, elle laisse tomber, elle hurle au scandale, je vais faire un procès, kaza kaza. Elle s'est fait tuer. Qu'est-ce qui est prêt à mourir comme ça aujourd'hui pour dire la ilaha illallah? Pas pour ton travail. Hein. Pas pour avoir ton diplôme. Hein. Pas pour. Non, pour la ilaha illallah. Le prononcer. Personne. Tu vois ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, quand les gens ils se battent, quand ils disent ouais, c'est mon droit de musulman, c'est pas le droit de musulman, c'est pour ton ventre que tu te bats. Parce que tu veux ton salaire à la fin du mois. Tu veux ton diplôme pour travailler. C'est pas pour Ordre Allah que tu fais ça. Pas pour Ordre Allah, c'est pas pour l'islam, c'est un truc de dunya qui est à côté et que ton apparence musulmane t'empêche d'avoir. Mais en réalité, quand il faut se défendre pour là, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde. Par contre, quand c'est pour aller d'autres choses, de loisirs, de divertissement, là, tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Donc en réalité, les gens ne se battent pas pour là, il là quand ils font ce genre de choses. Quand ils disent qu'on combat l'islamophobie. Vous combattez pour votre dunya, pour avoir un confort dans votre dunya, que vous imaginez être un droit. C'est tout. Ça vous dit, hein ? Allez, je sais qu'à l'heure. Il y a Leït Fahimna Hada. Allah, tant qu'on n'aura pas compris ça, on vous dit on ne va pas avancer. On ne va pas avancer tant qu'on n'a pas compris ça. Donc ne pas prendre l'islam comme prétexte et appeler à l'islamophobie, alors qu'en réalité, ce qu'on défend, c'est notre envie de confort. Notre envie de confort, en fait. Et se rappeler toujours qui étaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont subi. La ilaha illallah. Donc maintenant on revient au hukm du hadith. Et c'est pour ça, quand on voit l'histoire de Soumaya, wallah, on ne peut avoir que un grand, grand, grand respect, principalement pour les sœurs qui s'enferment sur la religion. Déjà, sont moins nombreuses que les hommes, de base, à être fermes sur la religion. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais les femmes fermes en religion, elles sont moins nombreuses. Tu vois. Et quand tu vois des femmes fermes en religion, tu vois, je parle des gens, des sœurs fermes réellement, tu vois, ça veut dire, tout en étant, alhamdoulilah, reconnaissent leur place en islam, ce qui s'ensuit, mais en religion, elles s'accrochent, elles se battent, tu vois. On ne peut avoir qu'un profond respect pour ces femmes-là. Quand tu vois une femme comme elle s'habille ici, quand elle s'habille de façon chalet dans cette ville, par exemple, sur Paris, pour moi, c'est impressionnant. Je me dis, ces femmes-là, elles ont une force incroyable pour faire ça. Je dis, la plupart des hommes n'arrivent pas à le faire. Et elle, en tant que femme, elle sait les regards qu'il y a, elle sait qu'elle est seule, elle sait qu'elle est faible, et malgré tout, elle s'habille comme elle peut, chalerie, et elle fait ce qu'elle a à faire, et elle affronte. Tu vois, c'est un djihad, ça. Tu vois, c'est un djihad. Après, bien sûr, on les encourage à partir, parce que combien de temps tu vas tenir comme ça? On est tous faibles, l'être humain. Tu, au bout d'un moment, tu craques, tu as des faiblesses, ainsi de suite. Et pareil, quand on entend des femmes, pareil, qui sont muhajirat, qui sont parties seules et qui tiennent, on ne peut que t'impressionner. Parce que c'est plus dur pour elle que pour un homme. L'homme est débrouillard, il peut se dire, la femme est toute seule. Tu vois? Moi, je n'encourage pas les femmes aux femmes partir toutes seules aujourd'hui. C'est très difficile. Mais celle qui le fait, qui tient, franchement, on ne peut avoir qu'un grand respect pour elle. Car c'est vraiment, ça, c'est un djihad. Tu vois? C'est ça, c'est un genre de personne. On se dit, demain, il y a une vraie action à faire en islam, elles sont là, ces femmes-là. Elles ont montré de leur apparence une preuve que physiquement, financièrement et moralement, elles sont là. Elles sont là. Elles ont commencé ici et elles sont parties quand même. Ou celles qui mettent la pression à leur mari pour partir. Pareil. Concrètement, tu vois, elle dit, écoute, emmène-moi où tu veux, emmène-moi. Ah, on reste plus ici, on ne peut plus. Tu vois. Respect. Et après, quand tu vois que c'est l'homme qui traîne la patte, on dit, ah là, là, c'est ta femme, là, qui... C'est la meneuse, religieusement parlant. Et en plus, quand t'es une femme comme ça, qui t'encourage, qui t'emmène à aller de l'avant, pour te préserver en religion, et ben crois-moi bien que Allah te donne un trésor. Tu vois ? T'as un trésor. Malheureusement, que peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et je parle là de vraies femmes, hein, des femmes qui sont, mashallah, qui sont fortes, qui supportent, pas celles qui se plaignent tout le temps, qui se lamentent tout le temps, qui se victimisent tout le temps, ou quoi. Des femmes fortes en religion. Tu vois. Et fortes, mais humbles. Parce que tu as aussi, elles se croient fortes, et elles se mettent plus haut qu'elles ne le sont. Mais un jour, l'épreuve vient, et tu te rends compte qu'en fait, cette force-là, elle était surtout sur la langue. Pas dans l'accomplissement. Et t'en as, elles sont fortes, mais elles sont humbles. Discrètes et tout, mais elles sont fortes en religion. Et ces femmes-là, on peut avoir qu'un grand respect pour elles. يقول طيب pour revenir au حكم du hadith bon avec la traduction j'ai déjà expliqué le sens approximatif يقول الشرح الإجمالي يحدث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة في سرية فأصابته عليه جنابة ولم يكن يعرف كيفية التيمم منها فظن أن التيمم له يستوعب جميع البدن كالاغتسال بالماء فتمرغ على الأرض يشمل التراب جميع جسده فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنع ليعرف أكان صوابا ما فعله أم أخطأ أم خطأ عفوا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصواب وأنه كان يكفيه أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح باطن كفيه باليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه. Donc, Ammar, il a informé que le Nabi Sallam l'a envoyé en voyage. Apparemment, c'est dans un bataillon. Et que là, il y a une janaba, comme on l'expliquait. Et qu'il ne savait pas comment faire le tayammum. Il savait qu'il y avait le tayammum à faire, mais il ne savait pas comment le faire. Et comme, de base, quand tu es en janaba, la base, c'est quoi? C'est que tu dois te laver et que l'eau touche tout ton corps. Il s'est dit, ça doit être pareil avec la terre, elle doit toucher tout mon corps. Il a fait un PS. Donc, il s'est roulé par terre. D'accord? Pour que la terre touche tout son corps. Puis, comme il ne savait pas vraiment s'il n'avait pas de Dalil, il voulait être sûr que ce qu'il avait fait était correct, il est parti voir le Nabi Sallam et l'a interrogé ce qu'il a fait. Est-ce que c'était correct? Et là, le Nabi Sallam lui a enseigné la vraie façon de faire le tayammum qui est plus simple que cela, en frappant ses deux mains au sol ensemble, frottant la main gauche sur la droite, puis le visage une fois. Il a dit cela suffit. Cela suffit. Donc là, ça nous a appris, tayammum, comment on le fait. Car souvent, les gens ils imaginent la chose immense. Elle est très simple. Elle est très simple. يقول مشروع طيب فوائد الحديث مشروعية التيمم لعدم وجود الماء qu'il est légiféré d'utiliser le tayammum lorsqu'on n'a pas d'eau. C'est, le tayammum on le fait que dans certaines conditions. Quand il n'y a pas d'eau. Ou lorsque utiliser de l'eau nous est nuisible. Malade, blessé. D'accord ? Si jamais tu utilises de l'eau, ta blessure, elle va s'amplifier. Si tu es malade, ta maladie va augmenter. Et ainsi de suite. Ou tu es quelqu'un, tu sais que de base, tu es une personne qui est fragile au point de vue santé, et tu sais que l'eau, par exemple, il fait très froid. Et que l'eau va te nuire. Parce que moi, dès que je fais ça, je tombe malade direct. Donc certaines personnes comme celle-ci. Pas quelqu'un qui dit ouais, l'eau elle est froide, j'ai peur de tomber malade. Non, si t'as peur, de base, tu utilises l'eau. Non, quelqu'un il sait, à chaque fois qu'il le fait, il tombe malade, c'est connu, c'est chronique chez lui, on dit toi, t'es même. Ah, mais quelqu'un qui dit juste je crains, ainsi de suite, on dit non, tu restes sur la base que t'es ta hammel, tu supportes l'eau, va faire ton roseau ou va faire ton roussel. Donc, soit il n'y a pas d'eau, ou alors l'eau est présente mais tu ne peux l'utiliser. ثانيا أن الأعضاء أعضاء الطهارة في التيمم الوجه والكفان فقط que les deux membres pour le tayammum c'est les deux mains et le visage c'est tout les deux mains et le visage ثالثا جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء qui lui permet de كذلك de faire le tayammum pour quelqu'un qui est en état de souillure majeure جنابة et la salat elle vient d'accord. Il fait tayammum. Une femme, par exemple, pareil, elle est menstruée, elle s'est purifiée, elle n'a pas d'eau. Il faut qu'elle fasse salat. Elle fait tayammum. Rabi'an, un tayammum yakfi fihi darbat wahida lilwaj wal kaffayn. Tayammum, ça suffit juste un coup par terre. Quand on dit un coup, c'est pas. C'est. D'accord ? Là, tu frottes, visage, c'est fini. Khamisan. أن الترتيب بين الوجه والكفين في التيمم غير واجب. Et que l'ordre cité là dans le hadith n'est pas obligatoire. Dans d'autres hadiths, c'est venu qu'il a fait d'abord le visage, il a soufflé, il a fait son visage après ses mains. Et d'autres hadiths, c'était les mains après le visage. Donc tu peux faire l'un ou l'autre. سادسا أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم يجب عليه الإعادة. que celui qui fait un ijtihad dans une question, qui se trompe, mais qu'il était en mesure, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix que l'ijtihad, s'il se trompe, il n'a pas recommencé. Par exemple, lui, le Nabi ne lui a pas dit recommence. Deuxième homme. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement aussi. Alors que des fois, les gens font l'ijtihad alors qu'ils peuvent demander. Lui, c'est quelqu'un qui était à un moment, il était seul, il n'y avait personne avec lui, il fait ce qu'il avait à faire, et il a fait ce qu'il avait à faire. Mais après, il a vérifié. Sabi'an, su'al al-ilmi, amma ashkala al-insan, fi amr dinihi. Et que la personne doit interroger les gens de science lorsqu'il pose problème dans les choses qui touchent à sa religion. Thaminan, an tayammum lil-hadath al-akbar, kal tayammum lil-hadath al-asghar, fi sifat wal-ahkam. Et que le tayammum, il est pareil, que ce soit pour grande souillure majeure ou mineure. C'est la même chose. Maintenant, il y a un khilaf qui existe sur le ulama. Avec quoi tu fais tayammum? Avec quoi? D'accord? Le qawl principal, et qui selon moi est correct, c'est la terre. D'accord? La terre, tout ce qui est terre, poussiéreux par terre. La terre comme le sable, tout ça. Parce que dans un hadith, ça dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jurilat lil ard kulluha tahura. Et dans une version, il y a rajouté turbatuha, que toute la terre m'a été rendue comme chose purifiante. Il dit, et sa terre. Et turba, c'est turab, le turab, c'est la terre. Donc dans le hadith, c'était rajouté turbatuha. D'autres ulama ils disent par rapport au verset, فَنَمْ تَجِدُ مَا فَتَيَمَمُ تَعِدًا طَيِّبًا. Si jamais vous ne trouvez pas d'eau, faites un mot avec tout ce qui est sur terre. Donc il dit tout ce qui est sur terre, ça, ça, le livre, le mur, tout ce qui est sur terre, t'es un mot. D'accord, t'as pas, tu peux rien faire. Même ton vêtement, tu touches, t'es un mot. Tu touches le vélo, t'es un mot. Tu touches le sol, t'es un mot. Tu touches le bois, t'es un mot. D'accord. Et il y a la vie, mais c'est pas ce qu'on se base, de la pierre lisse. Qui est très fréquent. Après, j'ai pas fait de recherche. Hein. Que les gens disent, quand tu pars, prends une pierre avec toi. Et tu prends une pierre lisse, tu fais ta moum avec. Cet avis-là, je sais pas c'est quoi son origine. Il est connu, hein. Il est répandu chez beaucoup de gens, mais je sais pas d'où, sur quoi il se base. Surtout que la vie de la... tout ce qui est sur terre suffit à la base. Selon la vie où tu touches tout ce qui est sur terre, par une pierre, tout ce qui est là, ça te suffit pour faire ta moum. Allah alam. Après, c'est Masala qui demande plus de recherche, mais... selon l'apparent des hadiths, c'est la terre. D'accord ? C'est la terre. Allahu ta'ala alam. Tayyib. Fabi hada, intahina min hada ad-dars. Naktafi bi al-qadr, fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. وبركاته